Let's stop for a moment to practice the constructions Je n'ai pas de and Il n'y a pas de. You heard them both just now with the word Réservation. Pardon, monsieur. Je n'ai pas de réservation pour vous. Il n'y a pas de réservation pour monsieur Wickham. Listen to that first sentence again and repeat it. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de réservation pour vous. Et maintenant, c'est à vous. Yes, it's your turn. This time, instead of the word réservation, say the prompted word. Par exemple, message. Message. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de message pour vous. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Bon, nous commençons. Number one. Numéro un. Lettre. And now repeat the complete sentence. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de lettre pour vous. Number two. Numéro deux. Chambre. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de chambre pour vous. And number three. Et numéro trois. The word for key again. Clé. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de clé pour vous.